Shake, shake, shake. Yo, bibara mo, bibara la pwe, bitene vetuke. Ala ala yeti dodo bigine. Oh papis, bosse kota. Est-ce qu'elle a fatigué ouais? Elle a fatigué à peine. À peine, à peine. Bring à peine, bring à peine. Yeah. Première phase, deuxième, troisième, begin, bien bel système, merci. Pardon. Okay. Thank you. Bela. Yes, zalaki ya soka zoko kosa kinai Yoko soka zoko kili mena Oke na moka mosusu mala likali na awa Naya wake libi soko setabe na maya kasi kwe koto kwe ya Anatika libi muni pasa moko akupe Koli koto kanga na ki Toka la soto na loko se amoto Papa, singing, singing, Abina, yeah, yeah.